نعم إلى الله عز وجل. ثم عباد الله، يقول ابن القيم: فن بما هو أشد تحريما منه، وهو الإثم والظلم. نعم. Puis après le deuxième niveau dans ce verset là, le deuxième niveau et le degré des péchés qui est encore plus grave, نعم, que la première, c'est l'injustice les uns envers les autres. عباد الله يقول ثم رحمه الله ثم ثلف بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله عز وجل عافاني الله وإياكم. Puis après le verset, le troisième niveau qui classe le quoi, le polythéisme, qui est encore plus grave que les deux qu'on a mentionnés. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du polythéisme mineur et grand. ثم عباد الله ربع ثم ربع جل وعلا بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله أو القول عليه بلا علم. Puis après la quatrième, le quatrième niveau, c'est quoi mes frères? C'est qui est plus grave que le polythéisme encore, plus grave que le shirk, c'est le fait de parler d'Allah Azza wa Jal sans science, le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science. يقول ربنا جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الله عز وجل يجي d'après le sens. Et ne dites pas conformément, نعم, aux mensonges proférés, يعني par vos langues, en disant ceci est licite et ceci est illicite, en disant ça c'est halal et ça c'est haram, pour forger le mensonge contre Allah Azza wa Jal. Hey, نعم, عباد الله. Certes, ceux qui forgent, يعني, qui inventent, ou on peut le dire, يعني, qu'il imagine sans fondement, il invente, il imagine sans fondement un mensonge contre Allah, ne réussiront pas. Ça sera une piètre, يعني, une médiocre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. عباد الله إنك لتعجب عندما تجد من لا يعرف أحكام الطهارة والصلاة ثم تجده يتكلم في مسائل لو عرضت على أبي بكر أو عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار. Mes frères, il y a, نعم, de quoi s'étonner de trouver celui qui ne connaît pas les jugements des ablutions, les jugements de la prière. C'est même pas, yani, ahkam al-salah, ahkam al-tahara, ahkam, les purifications et autres. Naam, et il se met à parler sur les questions de la religion, des grandes questions, subhanallah. Naam, que si elles avaient été posées à Abi Bakr et Omar, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient réuni les muhajirin ou al-ansar, c'est-à-dire tous les compagnons de leur époque, pour méditer, pour juste méditer, pour chercher une fatwa. Hey, نعم عباد الله. لكنك تجد هذا المستخف بدين الله يتكلم وكأن الوحي ينزل عليه. Mais mes frères, à notre époque, l'on trouve celui qui prend à la légère la religion d'Allah Azza wa Jal, sans aucune gêne. Ça ne lui fait pas peur. Il parle comme ça, comme si la révélation, elle descendait sur lui. Comme si la révélation, elle descendait sur lui. بكل ثقة يتكلم وكأنه جمع علم الأولين والآخرين. Il parle en toute confiance, comme s'il a réuni la science des générations avant et la dernière génération. تراه قد نصب نفسه عالما أو مفتيا في مسائل عظيمة وأمور كبيرة. Tu le vois se mettre à une place de mufti, de savant, ce homme se met une place. Tout le monde me pose des questions, je réponds à tout, moi. Moi, je réponds à tout. On le voit aujourd'hui, mes frères. Les youtubeurs, ils sont sur YouTube. Pose ta question, mon frère. Je suis là. Posez vos questions. Il passe dans Beurre TV, Ismail Mounir, qui se prend pour un mufti, ce jahl, qui connaît rien de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il n'a aucun suivi. Personne ne le connaît parmi les gens de la. Et d'autres, tous ceux-là, là, sur YouTube, qui se prennent pour des savants, wa la'oudou billah. نعم المفتي علي أن يتقي الله نعم لأنه يتحمل الإثم من أفتاه. Le mufti, il se doit de craindre Allah Azzawajal. Mais pour être mufti, c'est pas yani tu fais un stage ou tu fais une expérience ou une expertise et tu deviens mufti. Non, pour être mufti, il faut étudier la religion. Avec qui? Avec les johal, avec les savants qui t'ordonnent, qui te font une tazkiya, qui te disent c'est bon, tu peux faire l'ifta, tu peux yani enseigner aux gens. Il faut qu'il ait un suivi. Il faut qu'il y ait des gens qui le disent. Regardez dans Kutub al-Hadith, dans les livres de Hadith de l'époque. Prenez de cette science de lui, prenez de cet homme-là, c'est un homme de confiance. Prenez de ci, prenez de ça. Regardez l'imam Bukhari, rahimahullah. Il n'a pas pris un hadith d'une personne parce qu'il a menti sur un cheval. Il lui a fait montrer qu'il avait des carottes. Il a juste fait ça. Le cheval est venu, mais il a menti sur le cheval. Il a dit, s'il est capable de mentir sur un animal, il est capable de mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne prends pas le hadith de ces personnes-là. Alors que dire de ces dupes, des gens, ces corrompus, yani, qui sont installés sur YouTube, dans les réseaux sociaux et dans nos mosquées en France, qui égarent les gens en masse, mes frères, et que tout le monde les écoute. Et akhitaqillah, n'écoute pas n'importe qui. Écoute les grands savants de l'islam. Les grands savants qui ont grandi. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, ils ont traduit. C'est en français. La parole du savant en arabe, na'am, et les paroles qui sont traduites en dessous en français. Comme il dit Cheikh Al-Albani, لِمَاذَا تَتْرُكُونَ الْبِحَارِ وَتَذْهَبُونَ إِلَى الْأَنْهَارِ. Pourquoi vous délaissez les océans de science, les ulama, les océans, vous allez voir les fleuves. Vous allez dans des fleuves. Pourquoi délaisses-tu les océans pour aller voir dans les fleuves? Na'am, ibadallah. كَانَ السَّحَابَةُ عِبَادَاللَّهِ يَتَدَافَعُونَ الْفَتْوَى. Subhanallah, les sahaba, ils se renvoyaient le fait d'émettre des fatwas. Ils ne voulaient pas faire de fatwas. يتدافعون الفتوى وهم علماء. Alors que c'est des savants. كل يدفعها عن الآخر ليتقي شرها. Toute personne la rejette. Dis à l'autre sahaba. Pourquoi? Pour éviter son mal. Subhanallah. Sahaba, ulama, mes frères. Ils ont atteint un haut degré de science. أما في زماننا هذا فهم يتدافعون إلى الفتوى. Aujourd'hui, à notre époque, pas tu dis moi je m'éloigne, je ne fais pas les fatwas. Non, ils veulent faire les fatwas. Ils veulent s'installer, ils veulent se poster et ainsi de suite. يتهافتون عليها من غير خوف من الله عز وجل. Ils se précipitent pour faire des fatwas sans craindre Allah subhanahu wa ta'ala. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع. Ibn Omar, un grand compagnon, on lui posait 10 questions. Il ne répondait qu'à une seule question. Les 9 autres, il ne répondait pas. Subhanallah, la na'am ibadah. Wa hadha al-imam Malik rahimahullah yus'alu an 40 mas'alatin, 40 mas'ala. 40 mas'alatin fa ajaba fi arba'atin minha. L'imam Malik yas'alu 40 sual, ijabha arba' barak. Subhanallah, la. وقال في 36 مسألة لا أدري. L'imam Malik, on lui posait 40 questions. Il n'en a répondu que 4. Dans les 36 autres, il a dit quoi? لا أدري, je ne sais pas. Allahu a'lam. لا أدري, je ne sais pas. فتعجب السائل وقال ماذا أقول للناس؟ أقول لهم مالك لا يدري؟ السائل تعجب. Il s'est étonné, le questionneur. Qu'est-ce que je vais dire aux gens quand je vais revenir dans mon pays qui m'ont donné les questions pour te les poser à toi? Je vais dire aux gens que l'imam Malik ne sait pas. وَمَنْ يَدْرِ إِذَا لَمْ يَدْرِ مَالِكِ. Il dit, qui saura si Malik ne sait pas? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'imam Malik, imam Dar al-Hijra, c'était le mufti al-Madina. Les gens lui faisaient confiance. فقال رحمه الله الإمام مالك قال له الإمام مالك نعم لا أدري نعم oui je sais pas وأخبر الناس أن مالكا لا يدري. Il dit aux gens, dis aux gens que l'imam Malik ne sait pas. انظروا عباد الله الأدب. Regardez le comportement مع كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم, avec les paroles d'Allah et son prophète صلى الله عليه وسلم, et la religion. الورع والخوف من الله. Comment il avait peur d'Allah Azza wa Jal alors qu'il a atteint un haut degré de science. Yaqul al-imam al-Sha'bi rahimahullah la adri nisfu al-ilm. L'imam al-Sha'bi rahimahullah dit la adri, quand tu dis je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Tu ne réponds pas à tout, mon frère. Si on te pose une question sur salat, comment on fait le takbir, comment on lit quoi, fait takbir, tu peux répondre, ce n'est pas une fatwa. Tu connais. Al-Fatiha, tu lis Al-Fatiha, après c'est la sunna, c'est de lire une autre sourate. Jaoub, les ta'arfou. Alors, mais ta'arfes, une chose que tu connais pas, que tu maîtrises pas, tu dis rien, je sais pas, demande aux ulama, demande aux savants. Demande aux savants, pas aux johel, qui sont sur YouTube, à demain. Non, ikhwani, falnattaqilla ibadallah wa kama qila, man takallama bi ghayri fanni, atabil ajaib. Celui-là qui parle d'une chose qu'il ne maîtrise pas, il ramènera des choses qui sont étranges. Falnattaqilla ibadallah, wa nahris ala at-tahari fil qawli wal amal. بل يجب ألا نسمع إلا لمن نثق في دينه وعلمه ممن شهد لهم بالعلم والعمل. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal et on doit prendre notre science de qui? Des gens de confiance dans leur religion, dans leurs actes, que les hommes de science ont témoigné, que ce soit avec écrit ou avec audio. Ils ont témoigné que cette personne prenait de lui cette science-là. قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فَانْذُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوا دِينَكُمْ. Ibn Sirin, rahimullah, qui dit, cette religion, c'est une science. Faites attention ou vérifiez de qui vous prenez votre religion. Vérifiez, ne prends pas de n'importe quelle personne. Vérifiez, il dit, de qui vous prenez votre religion. الْعِلْمُ نَأْخُذُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Notre science, on la prend des savants. بِالتَّلَقِّي, en le prenant d'eux directement. يختار عالما, il choisit un seul savant. ويتعلم عليه, et il apprend de lui. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في أمور ديننا إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا. أما بعد, وعن ثوبان مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. صححه الألباني رحمه الله تعالى. يجي له بروفيت صلى الله عليه وسلم, ce dont je crains le plus pour ma communauté, c'est quoi? C'est les imams égarés. يقول السندي رحمه الله في حاشية ابن ماجة الأئمة المضلين أي الداعين إلى البدعة. Les imams égarés, comme il dit l'imam Sindi rahimahullah, c'est les gens qui appellent à l'innovation. Wa yaqulu Sheikh Salih ibn Uthaymeen rahimahullah fi kitab Qawl al-Mufid, na'am ala kitab at-tawhid fi al-mujallad al-awwal, yaqulu rahimahullah al-a'immatu al-mudhillin a'immatu ash-sharr wa sadaqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna a'zama ma yakhaf ala hadhihi al-ummah al-a'immatu al-mudhillin كالرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. Il dit Ibn al-Uthaymeen rahimahullah dans son kitab al-Tawhid, les imams égarés, et le prophète sallam a été véridique dans cela, c'est quoi? C'est comme les rouassa, les têtes des jahmites, des sectes qui sont venus à l'époque, et des mu'tazila qui existent encore aujourd'hui. Ils existent mais ils n'ont pas le même nom, ils ont changé de nom. Ils ont l'i'tizal dans leur cœur, ils ont le jahmiya dans leur cœur. Ils ont changé de nom. Naam, à cause d'eux, la communauté s'est divisée. C'est eux qui ont divisé la communauté. C'est pas nous, comme on garde contre cela, qu'on appelle au vrai, qu'on divise. Là, c'est les sectes qui sont rentrées en islam, mes frères, c'est eux qui ont divisé les musulmans, car les gens, ils étaient dans une seule voie. Ils étaient dans la voie droite. Naam, ibadallah. Wa yaqulu rahimahullah, al-murad bi qawlihi, al-a'immat al-mudhillin, الذين يقودون الناس باسم الشرع والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين. Et Ibn al-Uthaymeen رحمه الله, نعم, et ceux qui induisent les gens en erreur au nom de la religion, ils les induisent en erreur et qui prennent les gens par oppression et autorité, يعني الحكام الظلمة, les gouverneurs qui sont injustes, qui, نعم, qui sont oppresseurs avec leur peuple. Cela englobe, Ibn al-Uthaymeen, les gouverneurs injustes, corrompus et les savants égarés. Wa fi wasat al-hadith yaqulu alayhi salatu wassalam du'atun ala abwab jahannam. Dans un hadith qui est long, on va mentionner juste le milieu du hadith. Il dit alayhi salatu wassalam, il y aura, na'am, à la fin du temps, des prêcheurs qui appelleront vers les portes de l'enfer. Wa la'udhu billah. Yaqulu alayhi salatu wassalam من أجابهم إليها فقذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا صفهم لنا فقال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا الحديث. نعم عباد الله. يجي عليه الصلاة والسلام دي بريشور كي أبل vers les portes de l'enfer. Celui qui leur répondra, les prêcheurs le précipiteront en enfer. C'est-à-dire les gens qu'il a égarés, ces gens qu'il a égarés vont le précipiter à lui, le prêcheur, ils vont le précipiter en enfer. Pourquoi ? Parce qu'il a égaré les gens. Subhanallah, l'alim, l'ibad Allah. Thumma yadi alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, les compagnons disent, décris-nous ces gens-là. Il dit alayhi salatu wassalam, il dit, ils sont de notre souche. Naam, jildatina. Ils parlent notre langue. نعم عباد الله يعيشون بيننا يأكلون من طعامنا ويشربون من شرابنا ويفسدون علينا ديننا. نعم عباد الله. Ils mangent notre nourriture, ils boivent notre boisson. نعم. Et ils nous corrompent notre religion. ونعوذ بالله. الحكام كما قال العلماء قادات الأجسام والعلماء هم قادات الأرواح. Les gouverneurs sont les dirigeants des corps et les savants, نعم, eux sont les dirigeants des âmes. أي نعم عباد الله. وآخرا أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني بقبض العلماء, يعني بموت العلماء, بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث un hadith immense mes frères. Ce hadith là il demande même une khutbah. Il dit alayhi salatu wassalam, certes Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des gens, mais il a fait disparaître par la mort de qui? La mort des savants. Bobby mawt al-ulama. Au point où il ne restera plus de savants. Les gens prendront des ignorants comme dirigeants, c'est-à-dire à leur tête, juhal, qui seront questionnés. On leur pose des questions. Cheikh, il appelle. Alors, ils vont répondre sans science. Et quand tu vois leurs réponses, mes frères, catastrophe. Des réponses qui sont ni fondées sur le Coran, ni sur la Sunna. C'est fondé sur quoi ? Sur l'aql, sur la raison. C'est fondé sur quoi ? Sur les passions. C'est fondé sur quoi ? Pour l'agrément des gens et d'autres personnes. Voilà c'est quoi leur fondement, c'est quoi ? C'est pas l'agrément d'Allah Azzawajal. Ces gens-là, ils font avec de l'argent. Ils vendent la religion à vil prix. Avec de l'argent. Comme Hada Ismail encore. Perfectionner sa prière en 5 jours à Paris, du 4 juillet au 9 juillet. 497 euros. Tu payes. Par PayPal avec la carte bleue. Tu veux passer 4 jours, je t'apprends à faire la prière avec la perfection. Yahri, perfectionne-toi déjà. Tu n'es même pas perfectionné ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Et tu demandes aux gens de leur prendre 500 euros, subhanallah al-azim. 4 jours. Wallah, je préfère aller en vacances avec mes enfants et ma famille. Et que je fais plaisir à ma famille qu'écouter ces ignorants, ces juhel. Et que tu payes 500 euros et encore si tu apprends dans le vrai. C'est pas des gens qui sont sincères, ça. C'est des gens, ils veulent l'autorité. Ils veulent se montrer. Ils les invitent. Allez, ettaqillah, ibarrefen. De les inviter, ces gens. De pas inviter ces gens-là. De s'éloigner, ces gens, ils marchent avec l'argent. Ils marchent pas avec la satisfaction d'Allah, Azza wa Jalla. Les jeunes, mes frères, mes jeunes. Un conseil de grands frères, mes frères, et de petits frères. N'écoutez pas ces gens-là. Ni sur YouTube, ni rien. Écoutez les grands savants, mes frères. N'écoutez pas ces johels qui sont sur YouTube. Il dit, alayhi salatu wassalam, ils vont répondre sans science. Subhanallah. Ils vont répondre sans science. Ainsi, ils vont s'égarer et égarer les gens. Subhanallah. Alayhi. Sadaqa al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Il a dit vrai, alayhi salatu wassalam. Wa ma aktharahum fi hadha zaman. Ma aktharahum fi hadha zaman. Regarde comment ils sont multipliés. Ils poussent comme des champignons de partout. Du jour au lendemain, il est connu. C'est qui lui ? C'est un shir. Shir de quoi ? Il est ton processus ? Il n'y a pas de processus. Tu le vois, wallah, il n'a pas de processus d'étude, rien. On se doit de craindre Allah, mes frères, et de prendre la religion des grands savants, pas des johels et des ignorants. Car on est éprouvé avec cela, mes frères. On est éprouvé, malheureusement, avec cela. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Allahumma ahyina ala al-tawhid wa sunnah. Wa amitna alayhima. Ya hayu ya qayyum. Ya dhal jalal wal ikram. Allahumma ati nufusana taqwaha. وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان اللهم أرحم أموات المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرفع هذا البلاء اللهم أرفع هذا البلاء اللهم أرفع هذا البلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.